tel qu'elle posait dans cette séance de ce séminaire, le train des réformes, l'estime, la communauté des universitaires et des chercheurs sur le paquet, elle pose la question des rapports de pouvoir entre l'autonomie des universitaires, c'est-à-dire ce qu'on désigne généralement sous le terme des libertés académiques, et l'autonomie gestionnaire des établissements universitaires. Alors, je vais un peu sortir du contexte français parce que cette question-là, on n'est pas les seuls à se la poser. Elle est présente partout, même si, comme le rappelle Winter récemment, aux États-Unis, cette question-là se règle au niveau de chaque établissement et fait souvent appel à des consultants extérieurs pour construire un compromis en établissant le dialogue entre les universitaires gestionnaires et les universitaires gérés. D'où ma question, c'est qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on définit l'autonomie universitaire? Et là, je me suis aperçue que dans la littérature, on n'avait pratiquement rien sur cette question, parce qu'elle était, semble-t-il, considérée plutôt comme implicite, la réponse était implicite. Or, on constate, et en particulier depuis les années 90, une prolifération de travaux sur cette question, et plus spécifiquement, une série de déclarations et de rapports de l'Association internationale des universités dans le cadre de l'UNESCO. Ce sont des efforts pour rendre universellement acceptables des définitions précises des trois autonomies qui sont retenues, l'autonomie individuelle, l'autonomie professionnelle et l'autonomie institutionnelle de l'université. Alors l'autonomie individuelle a d'abord été définie par l'UNESCO en 1950 comme composée de deux éléments. C'est premièrement le droit et la liberté de rechercher la science pour elle-même ou que cette recherche puisse conduire. Et deuxième principe, c'est la tolérance des opinions opposées et l'indépendance à l'égard de toute ingérence politique. Ce n'est que plusieurs années après, en 1997, que à nouveau une conférence générale de l'UNESCO adopte la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, qui va donc définir l'autonomie professionnelle de deux manières. Premièrement, en posant le principe de la permanence de l'emploi, de la tenure, de la stabilité, de la sécurité de l'emploi comme étant une des conditions nécessaires à la liberté académique individuelle, et d'autre part, en posant une série de principes sur la participation des universitaires à la gestion des universités. Alors on y trouve à la fois le principe de la participation de tous les universitaires concernés dans les structures de décision de l'université, le développement de mécanismes consultatifs, c'est la décision collégiale devrait comprendre tout ce qui regarde l'administration, la définition des politiques de l'enseignement supérieur, le curriculum, la recherche, l'allocation des ressources et les autres activités liées, et enfin la communauté académique devrait avoir le droit d'élire une majorité de représentants dans les academic bodies à l'intérieur des institutions d'enseignement supérieur. Un an après, à la conférence générale la plus importante de 1998, l'UNESCO définit le principe de l'autonomie institutionnelle. Le principe d'autonomie institutionnelle peut être défini comme étant le degré nécessaire d'indépendance à l'encontre de toute intervention extérieure que nécessite l'université en ce qui concerne son organisation et son administration, l'allocation de ses ressources en son sein et l'obtention de revenus supplémentaires, le recrutement de son personnel, l'organisation des études et en fin de compte la liberté de l'enseignement et de la recherche. En d'autres termes, les libertés académiques, l'autonomie individuelle et professionnelle sont entièrement dépendantes, liées à cette structure institutionnelle, laquelle structure institutionnelle, isolée de son contexte, pourrait être celle de n'importe quelle entreprise. Malgré l'opposition de beaucoup de participants aux travaux préliminaires à cette conférence, c'est cette définition qui a été adoptée, et en voici une explication. L'organisation à la fois administrative et académique des universités devrait devenir uniforme, indépendamment du statut légal, public ou privé de l'établissement, en particulier pour faciliter les échanges internationaux et la mobilité des étudiants. Si la société doit réellement prendre part à l'entreprise internationale du savoir, alors il n'y a pas d'autre alternative que de créer une sphère d'autogouvernement pour l'université. Donc, nous avons là une définition de l'autonomie universitaire qui est une définition qui se veut universelle, et c'est effectivement le modèle qui est en train de se mettre en place partout dans le monde. Je me suis donc posé la question de savoir si à un moment quelconque dans l'histoire, on avait eu un autre modèle qui soit également universel. Et effectivement, il y en a un. C'est le modèle universel, le premier, de l'universitas médiévale. Et entre les deux, entre ce premier modèle universel et le second, eh bien, nous avons une période de différenciation des modèles avec la montée des États-nations. La première forme universelle d'organisation universitaire, eh bien, au Moyen-Âge, vous savez que les clercs d'église, c'est-à-dire en fait d'appareil d'État, sont formés dans les monastères et les écoles cathédrales. Ce sont des clercs prébendés qui jouissent donc de la sécurité de l'emploi, ce sont les sinécures, mais qui sont sous contrôle hiérarchique et idéologique de l'Église. Au XIIe siècle, à partir de l'expansion commerciale des villes, la demande d'instruction de la bourgeoisie urbaine se développe, et à ce moment-là, des clercs qui se retrouvent en délicatesse avec leur hiérarchie, exemple d'Abélard, peuvent alors ouvrir des écoles ad lucrandam pecuniam dans les villes. C'est donc le marché qui représente à ce moment-là le moyen de la liberté académique des universitaires, enfin des clercs. Seulement, isolé et soumis à forte concurrence, le maître d'école, qui est un petit producteur marchand, se retrouve soumis à la concurrence, et par conséquent, pour reprendre l'expression d'Adam Smith, il disait « A scholar and a beggar were terms nearly synonymous ». Donc la seule solution, c'était eh bien, tout simplement d'adopter le mode d'organisation des autres petits producteurs marchands pour contrôler la concurrence, c'est-à-dire la corporation. Et universitas, ça ne fait absolument pas référence, vous le savez, à la notion d'universalité. L'universitas, c'est le terme qui désigne au Moyen-Âge toute corporation, que ce soit celle des tonneliers ou celle des clercs. C'est donc toute une association qui est formée par des artisans urbains indépendants pour obtenir le droit de se régir d'après leurs propres lois. Le problème est donc pour eux de réguler la concurrence. Comment vont-ils le faire? Eh bien, ils vont le faire en se constituant en cartel de producteurs, de petits producteurs marchands, qui vont fixer les prix et la qualité du produit et le nombre des membres de la corporation sous la forme de la restriction de l'entrée en apprentissage. Dans ces conditions, les maîtres qui sont assurés de leurs moyens d'existence, ne vont pas craindre de transmettre leur savoir. Les apprentis, eux, ne vont pas hésiter à s'engager dans des formations longues et coûteuses, assurés qu'ils sont de leur future rente de monopole une fois qu'ils seront devenus maîtres. Et enfin, en résumé, c'est la seule forme, je crois qu'il faut le retenir, c'est la seule forme d'organisation qui assure simultanément la production des biens marchands et la reproduction des producteurs. Alors, le fonctionnement interne de l'Universitas des Clercs va être plus ou moins démocratique. Il le sera en fait de moins en moins à mesure que, comme dans les autres corporations, les maîtres concentrent le pouvoir et la liberté académique ne sera pas nécessairement respectée. Aristote est toujours interdit. Mais c'est là que vont s'élaborer les principes généraux de l'autonomie des corps universitaires qui va traverser toute l'histoire ensuite. Et ce modèle est adopté par toutes les universités du monde chrétien. Ce qui a un gros avantage, c'est de permettre aux universitaires de se défendre contre les pouvoirs hétéronomes. Or, ces pouvoirs hétéronomes, c'est quoi ? C'est le roi dont il faut obtenir des chartes et privilèges corporatifs, c'est-à-dire concernant les impôts, concernant le monopole et concernant également la justice, puisque les clercs et les étudiants vont échapper à la justice du roi. Il s'agit également pour eux d'obtenir de l'Église le droit de collationner les grades. Grades qui, je vous le rappelle, débouchent sur la licentia ubique docendi, c'est-à-dire le droit d'enseigner dans l'ensemble du monde chrétien. Par conséquent, quelles ressources auront ces corporations pour asseoir leur autonomie? Eh bien, ça sera de jouer des oppositions entre le roi et la papauté, et ce sera également d'utiliser un moyen de pression particulièrement puissant, qui est la dispersio. C'est-à-dire que, par exemple, au début du XIIIe, toute la Sorbonne à Paris, c'est-à-dire 20 000 enseignants et étudiants, ce qui n'est pas rien, vont partir toutes les autres universités du monde chrétien, laissant les pauvres bourgeois parisiens sans les moyens, sans les ressources qu'assuraient ces étudiants, logeurs, cafés, libraires, etc. Et on fera plier le roi qui va en fait les ramener en leur accordant les privilèges qu'ils demandent. Du côté l'Église, eh bien là, du côté de l'Église, ça a été un peu plus difficile, puisque l'Église, profitant de ces grèves d'universitaires, va envoyer des jaunes sous la forme des ordres mendiants qui vont venir enseigner gratuitement et ainsi casser la possibilité de gagner leur vie aux enseignants de l'Université de Paris. Donc vous voyez, ce jeu permanent, toute autonomie est relative, elle ne peut s'apprécier, certes pas sous forme d'une définition quelconque, mais concrètement dans ses relations avec les pouvoirs et les contraintes hétéronomes. Alors, ce qui fera disparaître cette forme corporative, bon, c'est moins l'opposition du roi et de l'Église que le fait qu'il y a une contradiction fondamentale dans le cas de la corporation des clercs, c'est que les apprentis sont également les clients, et c'est le fait que ils vont donc, pour le survivre, pour devoir se réfugier à nouveau sous la coupe, soit de l'Église, mais surtout ensuite des rois au moment de la montée en puissance des États-nations. Et c'est donc les États, les gouvernements des nouveaux États-nations qui vont prendre en charge l'université. À partir de ce moment-là, nous avons une différenciation nationale des modèles. Je regarde l'heure. Ça va ? Je suis désolée, je n'ai plus mis ma montre. Alors, moi, je vois je vois deux périodes, là. C'est évidemment hyper simplifié. Une période où la fonction centrale de l'enseignement supérieur est de reproduire les corps de travailleurs à statut, c'est-à-dire essentiellement les professions libérales et les fonctionnaires. Et une deuxième période, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, où l'enseignement supérieur est appelé à produire les bataillons de salariés qualifiés, c'est-à-dire la nouvelle classe moyenne de salariés éduqués. Dans cette première période, évidemment, on ne verra pas d'université vivante des seuls frais d'inscription des étudiants. Elles sont intégrées aux appareils d'État nationaux. Mais la forme d'organisation interne collégiale demeure dans des bricolages de rapports autonomie-hétéronomie qui sont variables selon les pays ou les époques. Je propose de distinguer deux modèles polaires de ce type d'articulation, de bricolage dans les pays occidentaux. D'un côté, l'autonomie institutionnelle des établissements, avec co-gestion locale de la profession universitaire et des financeurs, exemple des board of trustees des universités anglo-saxonnes, composés de représentants des entreprises, de la société civile, de l'État, des collectivités locales. C'est le droit du travail privé qui s'applique principalement, la permanence n'étant que coutumière. C'est l'évolution de cette forme que décrit Veblen dans son ouvrage qui s'appelle Higher Learning in America, avec comme sous-titre Mémorandum sur la conduite des universités par les hommes d'affaires. Deuxième cas polaire, c'est absence d'autonomie institutionnelle, financement public, permanence statutaire avec le statut de fonctionnaire et co-gestion qui va progressivement devenir de plus en plus forte au niveau centralisé, ce que Mucelin désigne sous le terme de co-gestion étatico-corporatiste. C'est le modèle de type français. Alors, dans tous les cas, les collectifs enseignants vont conserver la participation aux décisions de politique scientifique et académique, le recrutement par cooptation, la collation des diplômes, le contenu des programmes de recherche et d'enseignement, cela bien sûr dans la limite des politiques des financeurs, et ils conserveront leur pouvoir sur l'organisation du travail. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on a conservé les formes héritées du modèle médiéval? Eh bien, premièrement, en raison de la spécificité du travail créatif que seuls les universitaires qui sont détenteurs du savoir peuvent définir et organiser, et la spécificité du mode de reproduction du collectif de travail qu'est l'apprentissage. Deuxièmement, c'est que, me semble-t-il, il y a peu de risques idéologiques pour le pouvoir politique de laisser une large marge à l'autonomie des collectifs universitaires, parce que les universitaires et les étudiants sont en faible nombre, que le recrutement est socialement biaisé, que qu'il y a limitation du domaine des études, profession libérale, recherche et appareil d'État, et dans ces conditions, la liberté de critique externe, politique et sociale, peut jouer un rôle de valve marginale, pouvant éventuellement conforter l'image démocratique sans modifier les rapports de pouvoir. Ceci dit, en cas de besoin, la censure d'État intervient par la limitation d'abord de cette liberté à la sphère interne à l'université. Par exemple, Humboldt, que l'on cite toujours comme le chantre de la liberté totale d'enseigner et d'étudier, limite strictement, il est ministre de l'Éducation nationale, dans la Prusse à un moment où la Prusse est toujours sous la botte napoléonienne, donc il le limite strictement à l'intérieur de l'université, pas de droit à l'expression libre à l'extérieur. On a également la même chose aux États-Unis où le droit d'expression des universitaires est rabattu sur le droit d'expression général des citoyens qui est inscrit dans la Constitution, ce qui est effectivement une très faible protection. Et puis, bien sûr, il y a toujours la possibilité de censurer le produit lui-même, et là, on en a des exemples multiples. Enfin, pour contrer l'autonomie universitaire, lorsqu'elle est jugée soit trop malthusienne et conservatrice, et je ne dis pas toutes les critiques qui ont été faites, en particulier par tous les économistes depuis Adam Smith, sur le caractère conservateur de l'université. Je ne parle pas de Veblen qui a dit que la chaire universitaire était l'orifice accrédité par où s'écoulent les matières intellectuelles usées. Bref, On a pu reprocher aux universités d'être justement beaucoup trop fermées. On a pu lui reprocher aussi d'être trop critique. On a pu lui reprocher d'être incapable de répondre aux besoins de l'économie. Et à ce moment-là, comme ça s'est passé en France, on a créé des institutions publiques parallèles, organismes de recherche, écoles professionnelles de l'administration, grandes écoles, collèges de France, etc. Donc, au final, la liberté académique individuelle n'est pas directement liée à la forme d'organisation. On peut avoir plus de liberté académique dans un système très étatisé que dans un système où domine le pouvoir collégial décentralisé ou le pouvoir des trustees, pas plus que la liberté individuelle n'était garantie dans l'organisation corporative. Alors, il faut quand même se souvenir qu'à la fin du 19e et au début du 20e, ce prestige de l'enseignement supérieur, donc qui bénéficie d'une espèce de statut d'extraterritorialité politique et sociale, ce statut, donc ce prestige, va donner naissance à, avec le développement scientifique de la fin du 19e, à tout ce discours que l'on retrouve jusqu'aux années 80 dans nos sociétés, sur l'idée qu'on allait vers la prise du pouvoir par une classe de gens qui savent, de gens doués de raison et doués de savoir, par une technocratie, et là nous l'avons de Saint-Simon à Drucker, en passant par Veblen, Galbraith et de nombreux autres. Donc l'idée que le savoir allait donner le pouvoir. Dans la deuxième période, alors un changement majeur va intervenir lorsque la fonction de l'université n'est plus seulement de se reproduire et de former à des professions où l'entrée est contrôlée, mais de produire les bataillons de salariés dont l'économie a besoin en raison d'une pénurie aiguë de personnel qualifié après la Seconde Guerre mondiale. Dans un contexte où nous avons, premièrement, une relative immobilité des capitaux entre les pays, et où se met donc en place le fameux compromis keynésio-fordien, c'est-à-dire consommation de masse dans le cadre national, production de masse dans le cadre national, et à ce moment-là, on peut avoir une division du travail entre, dans la transmission des savoirs entre l'université et les entreprises. Au secteur public, donc universitaire, deux fonctions, la recherche fondamentale et la formation générale des cadres, du personnel très qualifié, aux entreprises, la formation spécifique, le plus souvent sur le tas, et la recherche-développement. Ce qui permet, alors, pour fournir la formation générale nécessaire, on a partout une généralisation du financement public et une planification qui peut être soit une planification publique par l'État, soit une planification privée, comme par exemple celle qu'a réalisée l'American Management Association aux États-Unis en harmonisant différents établissements. Et à ce moment-là, ceci permet donc une gestion publique des universités qui est à peu près partout, selon le principe obligation de moyens et a priori, donc une obligation de moyens avec contrôle a priori, et ensuite on fait confiance. Donc, avec la gratuité des études, la sécurité de l'emploi et le niveau des salaires, on va avoir à ce moment-là, et la planification qui a cherché à accroître cette production, une explosion des effectifs universitaires et la constitution donc d'une classe moyenne éduquée de salariés qui devient surabondante, d'où le chômage et d'où le risque politique. D'où, troisième étape, le second modèle universitaire qui est l'entreprise universitaire. À partir des années 1980, nous avons donc une surproduction mondiale de diplômés de l'enseignement supérieur, la libération des mouvements de capitaux et des excédents de profits qui sont à la recherche de rentabilité financière immédiate et la baisse du coût des transports et communications. D'où se met en place une stratégie d'emblée globale des capitaux, Premièrement, mobilisation de la force de travail très qualifiée qui peut avoir lieu en tout lieu et qui permet, par la mise en compétition des facteurs de production immobiles et des États, d'abaisser le coût du travail, d'homogénéiser l'offre technique et idéologique de qualification. Deuxièmement, deuxième stratégie d'emblée globale, c'est la recherche de nouveaux gisements de profit dans les secteurs qui étaient jusque-là non marchands publics. D'où la pénétration dans ces secteurs, la pénétration des capitaux dans les secteurs que sont la santé, l'éducation, la protection sociale, etc. Enfin, il y a le problème de la knowledge economy, c'est-à-dire de l'exploitation des stocks de savoir. C'est-à-dire que à partir de cette période, donc à partir des années 80, se développe le principe de l'open innovation. L'open innovation, c'est-à-dire l'idée que plutôt pour une grande firme d'avoir son propre laboratoire de recherche-développement qui coûte cher, il y a des savoirs qui sont désormais diffus et abondants dans l'espace mondial. Et le problème à ce moment-là n'est plus de produire pour ces universités de nouvelles idées, mais de les récupérer par ce qu'on appelle le leverage, c'est-à-dire on pompe des idées diffuses existantes pour pouvoir tout de suite se les approprier. Dans ces conditions, bien sûr, on a un système dans lequel officiellement la knowledge economy, c'est l'expansion du savoir. En réalité, la knowledge economy pour les firmes, c'est tous les moyens de raréfier ce savoir en se les appropriant. Donc, non, où est-ce que j'en suis? Là, je dois être encore? Oh, c'est généreux. Alors, le problème, c'est que, et bien évidemment, dans ces open innovation, les universités sont un lieu tout à fait privilégié. D'où la nécessité pour les capitaux dans cette stratégie de pouvoir pénétrer dans des universités et pénétrer en proposant des contrats qui vont apparaître comme étant un financement complémentaire par les capitaux de la recherche universitaire, qui dans la réalité, et ça on l'a montré en particulier mon collègue de l'université de Santa Barbara, Chris Newfield, que dans la pratique, ce qui se passe lorsque une université comme l'Université de Californie passe un contrat avec une firme comme Intel, eh bien, ce qui se passe, c'est que Intel ne paye que 5 à 10% de ce que ça lui coûterait de faire la même recherche en interne, et qu'en réalité, le financement complémentaire vient essentiellement des droits d'inscription des étudiants qui vont être dérivés vers le complément à des fonds publics qui ont diminué et le complément à des fonds privés qui viennent donc prélever sur le stock des savoirs ainsi produits. Donc, pour obtenir ces différents effets, eh bien, il faut que les capitaux obtiennent le soutien et l'aide active des gouvernements, en particulier lorsqu'il s'agit de casser des structures antérieures protectrices de l'autonomie universitaire, et en particulier, bien sûr, en France, où c'est la casse de ces structures est évidemment la plus difficile dans la mesure où c'était le système le plus centralisé, à l'exception du système soviétique. Mais désormais, c'est tout à fait possible, puisque les universités russes, après la fin de l'URSS, se sont retrouvées en n'ayant pratiquement plus du tout de financement public. Donc elles ont dû se constituer en entreprises elles-mêmes privées. Donc le problème maintenant pour la Russie, ça n'est pas de décentraliser comme chez nous, c'est au contraire de récupérer sans financer davantage, au demeurant, de récupérer les fonds qui ont été ainsi gagnés par des entreprises devenues quasiment indépendantes. Donc, il faut mobiliser les États au service de cette stratégie donc d'emblée globale. Et pour ça, eh bien, nous avons bien sûr le fameux modèle, la doctrine de la nouvelle gestion publique, qui se décline en, premièrement, externaliser vers le privé à but lucratif de tout ce qui peut l'être, l'externaliser le pouvoir d'État vers des agences, entre guillemets, indépendantes, qui ne sont en fait la plupart du temps que des faunées du pouvoir central, la contractualisation des rapports entre l'État et les producteurs de services publics, et en particulier les universités et les centres de recherche, la substitution du droit public au droit privé dans la gestion du personnel. Le statut de fonctionnaire disparaît progressivement à peu près partout, en même temps que monte la précarisation des personnels, ceci également partout. Aux États-Unis, où on nous parle tant de la tenure, elle ne concerne plus qu'une toute petite minorité des enseignants du supérieur, et 70% des enseignants sont des enseignants vacataires. Mais il faut également pouvoir piloter les établissements, et pour cela, on va utiliser le principe des incitations, qui sont calées sur des indicateurs de résultats, donc incitation, financement et rémunération à la performance, et indicateurs de résultats qui vont être différenciés selon le type d'établissement que l'on vise. Par exemple, pour l'université, les universités que l'on veut devenir, voire devenir d'excellence et donc compétitives au niveau mondial, ça va être la bibliométrie, ça va être les palmarès. Pour, en revanche, les universités que l'on veut déclasser, ça va être, par exemple, le taux d'insertion des diplômés. Parce qu'en effet, un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est celui de diviser ce que Chris Newfield appelle le cognotariat, c'est-à-dire de casser cette classe moyenne de diplômés qui s'était construite, et de la casser d'autant plus qu'on n'a plus besoin d'avoir autant de gens formés. D'où une stratification qui a commencé aux États-Unis et en Angleterre, mais qui se poursuit partout et qui vient maintenant chez nous. En France, le problème, c'est moins celui d'un côté l'université et de l'autre côté les grandes écoles. Le problème, c'est d'obtenir non pas une division verticale, mais horizontale entre une poignée d'universités de haut niveau, ensuite des universités de seconde zone pour les emplois qui ne sont pas des emplois tradable et donc nationalement protégés. Et enfin, des formations de courte durée prolongées par la formation permanente. Sachant que aux États-Unis, ce que représentent les étudiants du top niveau, c'est-à-dire des Ivy League, donc ces universités d'excellence, c'est 1% de la population universitaire. Bon. D'où le problème, c'est que désormais, il s'agit de réduire les établissements eux-mêmes, réduire l'autonomie professionnelle des établissements en accroissant leur autonomie institutionnelle, mais autonomie institutionnelle qui est réduite à une autonomie procédurale, c'est-à-dire ce que reflète exactement la loi de LRU, qui se propose d'offrir aux universités une autonomie réelle, c'est-à-dire la capacité de mieux remplir les missions que la nation leur confie. Donc, on a désormais un modèle universel qui est celui d'entreprises universitaires en fait en situation de sous-traitance. Et on leur applique exactement les mêmes principes d'incitation et de contrôle que dans la sous-traitance industrielle, en particulier, voire tout le système de contrôle de qualité qui s'inspire directement des normes ISO 9000 destinées justement aux entreprises en sous-traitance. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que, en fait, on est là devant la mort programmée de l'autonomie professionnelle des universitaires. Si on y va, et on y est, il semble bien qu'on y aille. Et par exemple, la NSF, la National Science Foundation aux États-Unis, dit que depuis les années 90, la création, la production scientifique américaine stagne et que, à l'heure actuelle, les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail sont moins éduquées que leurs parents. En d'autres termes, cette mort programmée de l'autonomie professionnelle signifie une nouvelle politique donc d'instrumentalisation de ces entreprises en sous-traitance. Le problème, et là on retrouve celui de la reproduction, c'est que le capital sait très bien exploiter les ressources disponibles, les stocks de ressources disponibles, que ce soit des stocks de ressources humaines ou des stocks de ressources naturelles. En revanche, il est incapable de prendre en compte dans son calcul économique, qui est un calcul économique à court terme, leur reproduction. Et ce qui est en train de se passer, c'est que justement, on assiste à une baisse de la reproduction de ces corps de savoir et qui se traduit par, en particulier, le brain drain, c'est-à-dire soit une migration des cerveaux, soit une migration géographique des cerveaux, soit ce qu'on appelle la migration thématique interne, c'est-à-dire que de moins en moins de jeunes veulent entrer dans cette carrière où ils ne trouvent plus les satisfactions de la liberté de recherche. Et par conséquent, on risque de se retrouver devant quelque chose qui relève des stratégies contre-productives, hein, ou des stratégies absurdes, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent. Et le problème va être donc que, étant donné que le schéma se déploie au niveau international, c'est que va-t-il se passer lorsque il y aura un assèchement de cette reproduction des capacités de savoir. Chaque fois que, historiquement, le capital a épuisé des ressources humaines, il a trouvé une parade en créant un système co-capitaliste. C'est-à-dire, par exemple, en substituant le système étatique de sécurité sociale, de protection, d'éducation, de santé, etc., à la reproduction qui était autrefois assurée par les petits producteurs pré-capitalistes. Le problème, c'est que maintenant, en attaquant ce secteur, la question qui se pose, c'est comment, par quels moyens, pourrait éventuellement se reconstituer un nouveau secteur co-capitaliste relativement indépendant des intérêts aussi bien, relativement indépendant des intérêts du capital, c'est-à-dire cette nécessaire inutilité dont parle Chomsky.